belle nouvelle pour l'Adoré, la municipalité très dynamique. L'Adoré qui a lancé une piste, des pistes d'enduro. Il y a plusieurs, en fait, c'est des pistes de motocross. Et ce que j'ai pu voir, c'est une des premières pistes de ce genre dans l'Est du Canada. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Yannick Baillargeon, qui est le maire de l'Adoré. Bonjour Yannick. Bonjour M. Veilleux. Yannick, c'est un projet qui est concrétisé depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Ben, en fait, là, pour bien mettre les choses en place, là, c'est vraiment le comité de l'enduro, l'Adoré, là, qui a mis en place là, okay. Ce circuit-là. Nous, l'Adoré, on est partenaire avec eux là, au niveau des infras et après ça, des autorisations, ces choses-là. On a aussi participé au financement de différentes activités là, au niveau de l'enduro, l'Adoré, mais c'est un comité là, externe à l'Adoré qui a fait la mise en place de ce circuit là, ou des sentiers d'enduro, comme on peut les appeler. Là. Oui, il y a plusieurs sentiers qui sont disponibles de différents niveaux de difficulté, accessibles à peu près à tout bon motoriste, là, si on veut. Puis ça attire beaucoup, beaucoup de gens là, en ce moment, là, de l'extérieur de la région, même de l'extérieur du Québec. Donc, je lisais, je suis l'article de l'Étoile du Lac en même temps que je vous parle. Là, je suis en train de lire l'article. On disait 160 membres de partout de l'Ontario et des provinces maritimes. C'était genre, moi, je pense en termes d'économie, parce que je suis un journaliste sportif, mais j'aime l'économie aussi. Ça peut être des retombées pour le coin également. Là. Ces gens-là vont venir pratiquer, ces gens-là vont venir manger dans les restaurants, vont venir, j'imagine, en tout cas. Là. Oui, oui, tout à fait. Je vous dirais que il y a, à toutes les fins de semaine, là, il y a un roulement de véhicules qui vient à l'Adoré là, pour exercer le sport lui-même. Là, puis les gens restent là, quelques jours, plusieurs jours, voire des semaines pour pratiquer le sport favori dans des sentiers, comme vous le disiez, qui était un des seuls sentiers fédérés dans l'Est du Canada. Je sais qu'il y a eu des formations au cours des dernières années, des derniers mois, de part des professionnels. Il y a eu des gens de la France qui sont venus. Il y a du monde de partout au Canada qui viennent essayer les sentiers, puis ils sont en train de faire la renommée. OK. C'est un investissement de combien? Ah, j'ai pas les montants exacts là, avec nous. Là. Je vous dirais que c'est peut-être plus là, à l'enduro de dévoiler ces chiffres, là, parce que nous, on n'a pas les chiffres en main. Là. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'huile de bras, comme on dit, de mis à disposition là, pour l'entretien des sentiers. Et il y a du bûchage, du débroussaillage à faire, puis de l'entretien là, toujours à tous les jours ou presque. Là. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de temps investi là, de la part des gens de l'enduro. Puis on est en temps COVID, donc c'est dur pour les festivals, mais en même temps, vous autres, vous allez organiser un festival, le Enduro Fest, qui va avoir lieu du 31 juillet au 1er août. C'est une belle nouvelle, ça? Oui, encore là, ben c'est encore le club de l'enduro qui l'organise. Mais oui, la nature de l'événement et la nature du sport lui-même fait que c'est quand même assez facile à organiser. Là. On s'entend que la distanciation est pas mal respectée entre les motos, là, si on veut. Mais il n'y a pas nécessairement d'attroupement là, durant la journée. Là. Les gens sont dans le sentier ou dans les différents sentiers. Là. OK, OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Est-ce qu'il y a quand même des gens à l'Adoré qui compétitionnent et qui font de cette compétition-là au niveau de la province? Ben, pas au niveau provincial. Je vous dirais là, que c'est plus en ce moment, les gens d'Adoré qui l'utilisent, là, c'est des gens qui aiment rouler. C'est pas nécessairement le côté compétitif qui est recherché, mais vraiment le côté randonnée, là, puis randonnée à difficulté, là, parce qu'il y a des sentiers qui sont hyper difficiles, puis il y en a d'autres qui sont plus faciles. Donc, c'est sûr, c'est certain que c'est ça qui est recherché. Mais oui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent de l'Adoré, des gens qui sont impliqués directement là, dans le comité lui-même de l'enduro. OK, OK. Ben, je vous félicite, un beau projet. C'est un projet, tout ce qui est dynamique, qui dynamise le coin, faut saluer ça. Et surtout en tant que COVID, ça doit pas être facile à faire. Donc, à l'Adoré, j'imagine qu'on a travaillé fort, même si la COVID, on s'est pas arrêté là-dessus, puis on a travaillé, puis bravo. Non, on profite des crises pour en développer des opportunités. Là, c'est toujours ce qu'on s'est dit à l'Adoré, puis on continue en ce sens-là. C'est une belle manière de voir les choses, M. Baillargeon. Oui, tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Le maire de l'Adoré, Yannick Baillargeon.